On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm pretty good, I'm pretty good. Wow! On the rocks. Wow! J'ai une pêche, les gars. Bonsoir les amis, c'est On The Rocks comme tous les lundis soirs de 19h à 20h30, je sais plus. En tout cas, c'est sur Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2. À force de changer d'horaire, je suis complètement perdu. Sur le 96.2, donc de Radio Arc-en-Ciel, c'est une émission qui traite de rock'n'roll et qui sera une émission en trois parties ce soir. Première partie de cette émission que vous pouvez retrouver en rediffusion sur ZEF et sur OnTheRocks.net à partir du mardi les bonnes semaines et du mercredi. Et bien donc cette émission sur le premier tiers sera une émission assez rock'n'roll avec des grosses guitares qui font boom et des batteries qui font plang. Et on va commencer avec un double coup de cœur et un artiste qu'on va retrouver deux fois. Je vous explique. I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool. Yeah, give me some. Mon coup de cœur depuis 15 jours, je l'avais un petit peu peaufiné, prévu, c'est un morceau de McDermott and North, un duo qui n'a pas sorti d'album encore, mais qui ont sorti une poignée de singles assez réjouissants, et le dernier en date est vraiment vraiment très bien, il s'appelle All Things Come and Go, c'est rafraîchissant, on entend les Beatles, on entend la power pop, et ça fait vraiment du bien en cette queue d'hiver. Et puis, il y a un album qui a déboulé sur ma platine, un album pour lequel j'étais un petit peu dubitatif au départ, et qui pourtant m'a emporté, et je n'écoute plus que ça depuis quelques jours, c'est l'album du une de mes idoles, Eddie Vedder. Alors la voix d'Eddie Vedder ne laisse pas indifférent, la plupart du temps les gens la trouvent magnifique, mais certains la trouvent insupportable depuis le début de Pearl Jam, puisque c'est le leader de Pearl Jam, voilà un groupe que je suis depuis le premier album et qui ne m'a jamais quitté, et en tout cas la voix d'Eddie Vedder ne m'a jamais quitté. Et il a sorti 3 albums solo, cet Eddie Vedder qui ne laisse pas indifférent, voilà, c'est assez, même sous mon propre toit, hein, c'est, les gens soit adorent, soit n'aiment pas, hein, sur un échantillon représentatif de 2 personnes. Et donc cet album, moi, m'a aussi partagé, c'est-à-dire j'ai entendu les 2 premiers extraits de l'album qui sont sortis, je me suis dit, oulala, ça a l'air un petit peu mainstream, grand public, production un peu années 80, bof, et puis l'album est sorti. Première écoute, je me dis, ah, quand même, il y a des très bonnes choses. Et deuxième écoute, bah voilà, je me suis retrouvé à danser tout seul chez moi, la musique à fond. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Pas sur un morceau qu'on va se passer ce soir, sur un autre, mais il y en a plein, plein des biens. Et après 2 albums solo, un qui était une bande originale du film de Into the Wild, magnifique bande originale, assez planante, assez atmosphérique, avec assez peu de chansons dessus, plutôt des morceaux instrumentaux qui étaient vraiment fabuleuses. Et puis un deuxième album assez étrange, sur la pointe des pieds, entièrement au ukulélé, qui était voilà, un petit peu soporifique sur l'ensemble de l'album, et bien cette fois, ça y est, on a l'impression qu'il s'assume vraiment en tant que chanteur solo et non pas membre de Pearl Jam, puisqu'il livre cet album qui s'appelle Earthling, et c'est un album assez étonnant, d'abord assez émouvant, puisqu'il y rend hommage à son meilleur ami, on en reparlera après, puisqu'on va se passer 2 morceaux d'Eddie Vedder ce soir, et puis à son père également, son père est mort alors qu'il avait 13 ans, Eddie Vedder, il en a parlé dans quelques chansons de Pearl Jam, mais jamais de façon aussi frontale, et puis un jour il a découvert, il y a quelques années, il y a très peu de temps, que son père avait été chanteur lui aussi et qu'il avait enregistré lui aussi des choses, et donc on lui a donné les bandes, alors absolument pas connues. Et voilà, il s'est isolé lors d'une tournée de Pearl Jam en Argentine. Il a débouché 2 bouteilles de vin, c'est un peu son problème, hein, Eddie Vedder. Et il a vidé les 2 bouteilles de vin et il s'est attaqué à ces bandes où on entend son père chanter. Et sur le dernier morceau de cet album Earthling, on entend certains passages vocaux de son père comme si c'était un invité. Alors il n'y a pas que son père post-mortem en invité dessus, il y a des invités bien vivants, alors pas très frais pour leur âge, mais bien vivants. Il y a le clavier de Tom Petty qui n'avait jamais ressorti de clavier depuis la mort de Tom Petty. Il y a Stevie Wonder qui joue de l'harmonica sur un morceau assez étonnant puisque c'est un morceau presque punk. Alors on n'a jamais entendu l'harmonica de Stevie Wonder jouer aussi rapidement et sur un morceau aussi punk. Et puis il y a un duo avec Elton John, coécrit avec Elton John. Alors Elton il est un peu fatigué hein, maintenant, donc c'est pas l'Elton John des années 70, c'est pas le grand Elton. Et puis il y a ce morceau avec lequel on va ouvrir l'émission, qui s'appelle Mrs. Mills. Et Mrs. Mills, c'est un morceau qui a été composé au piano, ça s'entend. Et c'était pas vraiment un duo, mais c'est un hommage aux Beatles, vous allez entendre dans la sonorité. Et c'est pas un hasard, puisque c'est Ringo Starr lui-même qui joue de la batterie. Donc le batteur des Beatles sur la voix du chanteur de Pearl Jam, là je vous garantis qu'un gars comme moi, s'il est en PLS assez vite. Est à noter que Glenn Hansard, le chanteur de The Frames, et chanteur solo désormais Glenn Hansard, que j'avais interviewé pour On The Rocks il y a bien longtemps, il y a une vingtaine d'années, il m'avait dit lors de cette interview qu'il était très fan de Pearl Jam. Et bien depuis, c'est devenu le meilleur ami d'Eddie Vedder, et c'est lui qui l'accompagne sur cet album et qui l'accompagne sur scène. Il fait la première partie de la tournée américaine d'Eddie Vedder, il joue également de la guitare et des claviers derrière lui lorsqu'il est sur scène. À noter que le batteur, c'est le batteur des Red Hot sur cet album. Et vous avez donc ce Mrs. Mills qui va ouvrir l'émission. Voilà, à la fois un moitié Pearl Jam, moitié Beatles, et ben un total bonheur pour moi. Mrs. Mills waits in the dark for the red light to go on, and the curtains will be drawn so none could see. All the townsfolk, they don't know what the men do down below in the shadows of a disco neon glow. In the spotlight she lives her wings high and sings like nobody before. Who holds her own as the hands they roam on the ivory that is her flesh and bone. Oh, and every suitor cuts their own. Down the stairs, crimson carpet leads you there, leaving broken hearts, a trail of those who dare. Mr. Wonder, then Sir John, Miss McDonough play by ball, even royalty they have to leave by dawn. Yeah, they play her sound like prayer, she sings like nobody. And hers alone. Le deuxième coup de cœur de l'émission à l'instant, c'était les Australiens de McDermott and North. J'attends l'album avec beaucoup d'impatience. Avec ce All Things Come and Go, qui sent déjà l'été. Et puis juste avant, c'était Eddie Vedder, chanteur de Pearl Jam, donc avec Mrs. Mills. On va revenir à Eddie Vedder, avec cette voix donc qui m'accompagne depuis 30 ans maintenant, depuis le début des années 90. Et surtout avec Pearl Jam. Pearl Jam est né sur les cendres d'un autre groupe qui s'appelait Mother Love Bone, où il y avait des membres de Pearl Jam dedans, mais pas Eddie Vedder, qui pour l'instant n'était pas encore apparu sur la scène. Et puis le chanteur de Mother Love Bone, alors que le groupe était prédit un bel avenir, c'était les tout prémices du grunge, c'était encore plutôt du hard rock heavy metal. Le chanteur est mort d'overdose, et donc sur les cendres de ce groupe s'est créé un autre groupe qui s'appelait Temple of the Dog, le temps d'un album. On retrouvait donc des membres des futurs Pearl Jam, Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden, et sur le titre qu'on va se passer maintenant, qui s'appelle Hunger Strike, c'était la première fois qu'on entendait la voix d'Eddie Vedder, qui allait dans les mois qui suivaient, qui allait suivre, former donc Pearl Jam pour leur premier album, qui allait se vendre à des millions et des millions d'exemplaires aux États-Unis. Voilà, Chris Cornell de Soundgarden et Eddie Vedder de Pearl Jam, c'est une amitié qui ne s'est jamais démentie. Eh bien, vous savez que Chris Cornell s'est donné la mort juste après un concert il y a quelques années de cela, après Kurt Cobain et le chanteur de Alice in Chains, Stanley. Eddie Vedder est le dernier survivant des grands groupes grunge, et la mort de Chris Cornell a longtemps été un déni pour lui pendant quelques années, quelques mois. Il ne voulait pas l'accepter, et puis il a fait son deuil, comme on dit, et il a enregistré sur son album qui vient de paraître il y a quelques jours, un morceau qui s'appelle Brother the Cloud, mon frère ce nuage, puisque la chanson commence étrangement comme au cœur de la nuit de téléphone, en disant j'avais un ami et maintenant c'est fini. C'est un peu ce que dit Eddie Vedder au début, et je cherche son visage dans le ciel et je vois son visage dans les nuages. Ce morceau Brother the Cloud est à la fois très émotionnel et un des morceaux les plus dynamiques et les plus euphorisants du dernier album d'Eddie Vedder. Alors voilà, on va faire un petit raccourci dans le temps, et je pense que ça devrait faire plaisir à Duluche. D'abord Temple of the Dog avec Hunger Strike, la première fois donc qu'on entendait la voix d'Eddie Vedder, qui n'arrive pas tout de suite, qui arrive en même temps que la batterie. C'est d'abord Chris Cornell qui chante, et puis juste après Eddie Vedder 2022, 30 ans plus tard, un peu plus de 30 ans plus tard même, avec Brother the Cloud. Ça nous rajeunit pas, voici Temple of the Dog dans The Rocks, restez bien calés. Oh. C'était donc dans The Rocks l'hommage d'Eddie Vedder à son vieux copain disparu, Chris Cornell avec Brother The Cloud. On se visitera l'album d'Eddie Vedder dans les émissions à venir. Et puis nous étions tout à l'heure à Brisbane, en tout cas de ce côté-là avec McDermott and North, avec All Things Come and Go. Eh bien on y retourne, et puisqu'on était dans les guitares, on va pas les ranger tout de suite. Voici une nouveauté, ça s'appelle Dune Rats. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah non, j'en oublie un. Ça va pas du tout. On va se passer d'abord Betty Ray's. Allez, Betty Ray's avec le morceau Milk. C'est une nouveauté. C'est maintenant, c'est dans The Rocks, et on retrouvera les petits Dune Rats un peu plus loin. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Ça arrive parfois. C'est parti, vous êtes dans The Rocks. Encore une, c'est une nouveauté, hein, de toute façon. Betty Ray's avec Milk. Et juste après, un petit morceau assez énergique aussi que j'avais un peu loupé. J'étais un peu passé à côté. C'était il y a 2-3 ans. Ça s'appelle Moby Dagalore. Et c'est le morceau Dig Myself Out que je trouve absolument euphorisant. Itou, voici donc Betty Ray's dans The Rocks. Nina Gallor à l'instant dans The Rocks avec ce duo de deux filles canadiennes qui envoient du pâté, comme on dit, avec c'est dans la catégorie agressivité vocale, power pop. Moi, je trouve ça assez réjouissant et assez. Il y a des mélodies, il y a vraiment du rentre dedans, effectivement. Mais on sent toute la sincérité. C'est un morceau imparable, moi, qui me fait faire des excès de vitesse en voiture. Donc, c'est pas bien. Et juste avant, c'était Betty Rays avec Milk. Je vous ai promis juste avant Dune Rats, ces musiciens de Brisbane qui sortent un punk rock assez sympathique. Et bien, on continue dans les guitares. Je vous ai dit trois parties dans The Rocks. La première, assez rentre dedans. Ensuite, on va aller plutôt vers des choses un peu cuivrées, un peu de la soul, un peu du rhythm and blues. Et puis, la fin de l'émission sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tranquille pour vous emmener jusqu'à l'arrêt d'arc du sport. Voici donc Dune Rats avec What a Memorable Night. y a d'abord eu les Dun Rats dans The Rocks qui ont fait tomber les ailes des abeilles avec What a Memorable Night. Et à l'instant, c'était un des morceaux les plus euphorisants de ces dernières semaines. Je l'écoute beaucoup, beaucoup avec ses cuivres et ce refrain entêtant. Si vous l'écoutez une deuxième fois, il est rentré directement dans la tête. C'est une artiste que je suis depuis quelques années. Je crois que Mathieu Dufaux a dit qu'elle l'avait pressenti, je crois, pour Hop-Hop-Hop ou l'Astro. Je sais plus, je crois que c'était pour Hop-Hop-Hop. Ça n'avait pas pu se faire. J'espère qu'elle viendra par chez nous très bientôt. Elle s'appelle Mathiel. Et donc, elle vient de sortir ce morceau qui est annonciateur de son troisième album, qui s'appelle Light House, c'est le nom du morceau. On reparlera dans The Rocks de l'album qui ne devrait pas tarder à suivre. Et puis il y avait des cuivres sur ce morceau de Mathiel. Il n'y a pas toujours des cuivres dans sa musique, mais là il y en avait. Alors ça m'a donné envie d'aller vers des choses un peu plus cuivrées, un peu plus soul pour la suite de l'émission. Et voici un revenant qui nous revient donc avec un morceau qui ne fait pas honte à sa discographie passée. Voilà, c'est un de ces chanteurs blancs qui porte fièrement l'étendard de la musique noire américaine, rhythm and blues, un petit peu plus blues que rhythm and blues. Et voici donc le dernier morceau de quelqu'un qu'on s'est déjà passé il y a bien longtemps dans The Rock, qui s'appelle Ellie Paperboy Reed, et le morceau c'est Mama Tried. In town, not knowing where I'm bound, no one could change my mind, but Mama tried. One and only rebel child from a family making mouth. My mama seemed to know what lay in store. Spite of all my Sunday learning, towards a bad I kept on turning, till Mama couldn't hold me anymore. Right, but I refuse. And I turned 21 C'était notre grande série des petits chanteurs blancs qui aimeraient bien, comme Nino Ferrer, être un noir. C'était à l'instant Ellie Paperboy Reed avec son dernier morceau Mama Tried. À l'instant, c'était Miles Kane. Et oui, Miles Kane, le petit Briton qui avait formé un groupe avec le membre des Arctic Monkeys, souvenez-vous. Eh bien, il revient en solo avec un album où il se fait un petit complexe de Blue Eyed Soul. Et voilà, il déclare qu'il aimerait être sur scène comme Sly and the Family Stone. En tout cas, il y a des cuivres. En tout cas, ça balance pas mal. Et ça balance pas mal, j'ai l'impression que j'ai 92 ans. Enfin, en tout cas, vraiment très bon morceau et très bon album de Miles Kane, avec une pochette qui fait un peu peur, hein. Il y a une tronche un peu bizarre dessus, mais en tout cas, très bon album, je vous le conseille. Et ce Never Get Tired of Dancing en est un de ses sommets. Et puisqu'on était dans la soul, puisqu'on était dans les cuivres, on va y rester le temps de ce morceau avec encore une nouveauté dans On The Rocks, puisque vous êtes dans On The Rocks. C'est Matt Berry qui est en duo ici avec la chanteuse de soul Emma Noble pour le morceau Beatmaker, c'est dans The Rocks, donc c'est maintenant. Et puis juste après, une très belle reprise d'un morceau qui est forcément est inégalable, puisque c'est le morceau Pink Moon de Nick Drake. Voilà, il y avait un petit peu du fantôme de Nick Drake qui planait sur le rappel du concert de Pierce Faccini à la Cigale il y a quelques jours. C'était vraiment fabuleux, vraiment magnifique. Je vous conseille de réécouter l'émission, l'interview de Pierce Faccini, que vous pouvez retrouver sur le site ontherocks.net. Dans l'onglet émission spéciale, vous déroulez un peu les pages et il y a une interview de 2015 de Pierce Faccini. C'est une des interviews dont je suis le plus fier. Vous pouvez la réécouter sur le site et elle est encore d'actualité. Vraiment, il est assez passionnant. Pourquoi Pierce Faccini? Parce que Nick Drake. Pourquoi Nick Drake? Parce que juste après Matt Berry et Emma Noble dans The Rocks, vous allez entendre la reprise de son Pink Moon par Valérie June, qui en fait autre chose, c'est l'intérêt des reprises, et qui l'emmène vers des rives beaucoup plus chaloupées que ne le fut le pauvre Nick. Voici Matt Berry, Emma Noble, c'est une nouveauté, et ça s'appelle Beatmaker. June et ses très longs cheveux avec cette belle version du Pink Moon de Nick Drake. Vous êtes dans The Rock, c'est bah voilà, elle a pris la chanson d'un défunt et elle l'a fait sienne. Et ben il y en a qui vont un peu plus loin, ils trifouillent carrément la musique des défunts et des défuntes pour leur rendre hommage, mais de façon un peu étrange, en remodelant le morceau, en faisant autre chose. D'habitude je ne suis pas très friand de ce genre d'exercice, là pour le coup, eh bien je trouve que ce que vous allez entendre, ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Voilà, là encore une fois, les avis sont partagés au sein de mon propre foyer. Donc moi j'aime bien ça. Ça s'appelle Honey, il a fait énormément de morceaux ces derniers temps où il le rendait hommage comme ça, de façon un peu étrange, en remodelant de façon totalement nouvelle les musiques de Nina Simone. Fallait s'y attaquer quand même, fallait oser. Eh bien ce My Baby Just Cares For Me, qui est un morceau absolument parfait de Nina Simone, il n'y a rien à toucher, c'est une perfection absolue, et bien il arrive à en faire autre chose, et autre chose qui franchement fonctionne pas mal. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Voici Honey et Nina Simone avec My Baby Just Cares For Me. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for shows. And he don't even care for clothes. My baby just cares for me. We'll be right back. shoot him in the stomach. Then he's hurting on my dime. And if I shoot him in the head, then he's dead and he's living on my mind. My reflection in the mirror, her perfection in his eyes. I'm a danger to myself. I run from 12 and take my rage across the county line. La dernière petite pépite dénichée par Mike Ronson, qui avait déjà déniché la pépite qui s'appelait Amy Winehouse pour son deuxième album. Et bien voilà, c'est selon, bon, il y a une jolie voix mais un peu trop produit à mon goût. Ça s'appelle Yeba, le morceau c'était Boomerang. Voilà, c'est un peu à mi-chemin entre, c'est plus proche d'Adèle quand même que de Amy Winehouse. Voilà, l'album est sympathique mais on attend des choses un petit peu plus, hein, un petit peu plus, un petit peu plus près de l'os. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Ben voilà quelque chose qui est surprenant. Maintenant, c'est le deuxième morceau du groupe The Smile. On s'est déjà passé le premier extrait de l'album à venir. Ils vont faire une série de concerts également. Et ben, ce n'est autre que... Alors, j'ai un gros trou sur le nom, sur le prénom. En tout cas, voilà. En tout cas, ce sont les membres de Radiohead, hein, Tom York et puis Greenwood, mais je me souviens plus son prénom. Le guitariste, mais ça va me revenir. En tout cas, ils ont composé donc ce groupe qui s'appelle The Smile. Le premier morceau était vraiment rentre dedans à la façon des morceaux un peu indie de l'Angleterre des années 90, on va dire. Eh bien, celui-là est plus hypnotique, mais il n'y a pas de machine, contrairement à ce que faisait Radiohead ces derniers temps. C'est plutôt très organique. Et ce morceau à la longue, longue intro qu'on va se passer est assez bluffant et assez hypnotique. Et puis, comme d'habitude, Tom York fait des merveilles avec sa voix magnifique. Voici donc The Smile, deuxième extrait. On attend la suite avec impatience. Le morceau s'appelle The Smoke. like I gotta stay. My heart is busted up, but I'm broke. I just might see things get better. Précédente émission d'On The Rocks, le dernier album de Hills, c'est vraiment très très bien. La preuve, voici une abeille qui trébuche, qui est titubante. Strumbling Bee, voilà, c'était Hills tiré de son dernier album. Je vous conseille vraiment cet album. Il y a des morceaux plutôt rentre-dedans guitare, et puis il y a des petits, il y a des petites merveilles comme ça, mid-tempo, qui font vraiment du bien. Et puis juste avant, c'était le nouveau projet des membres de Radiohead, ça s'appelle The Smile, et le morceau, c'était The Smoke. Et voilà, normalement, vous avez dû dodeliner ou tapoter du pied pendant ce morceau. Voici un groupe absolument formidable, Stakhanovist, qui a sorti énormément, énormément de morceaux ces dernières années. Ça s'appelle Big Sif. On s'est déjà diffusé beaucoup de morceaux dans On The Rocks. Comme disait Mathieu Dufaux, ils sont malheureusement devenus un petit peu trop gros pour être programmés à l'Astro maintenant. Mais en tout cas, avec sa chanteuse Adrienne Lechner, ils viennent de sortir un album vraiment rempli à ras-bord. Il y a énormément de morceaux, peut-être un peu longs, peut-être un petit peu avec des transitions un peu étranges. Mais en tout cas, il y a un lot de morceaux absolument fabuleux dessus. Et je suis sûr qu'ils sont en train d'en fabriquer un autre, puisqu'ils en sortent environ 2-3 par an. Voici donc Big Sif, tiré de leur dernier album, The Only Place. Et après, nous irons vers des rives beaucoup plus calmes. Would melt into Avec ce son de la mer au loin. C'était Swimmer à l'instant, le dernier morceau d'Ilina Dillon, un morceau qu'elle a écrit et qu'elle a interprété en hommage à sa mère, qui était une bonne nageuse et qui vient de mourir. Très très bel album que cet album de Ilina Dillon, on en reparlera dans The Rocks. Et juste avant, c'était évidemment les fantastiques Big Sif avec The Only Place. Voilà une voix féminine qui avait sorti un magnifique album aussi il y a 25-30 ans, et on n'en avait plus vraiment entendu parler, en tout cas pas dans The Rocks, j'étais parti un petit peu dans d'autres directions. Eh bien, elle revient, elle s'appelle Jolie Holland, et elle revient en duo avec Eric Terrino, et voici un beau beau morceau qui s'appelle Torture the Dead. C'est aussi une nouveauté dans The Rocks, plein plein de nouveautés ce soir, et il y en aura plein d'autres la semaine prochaine, et voici encore un morceau qui normalement devrait vous envelopper de douceur. Question waves, remembering our dreams. Snow muffles us and streets lined with lights. Our men let you drive. and the hold a parasitic dream. nothing's what I need. Ooh. À l'instant, c'était quand les gros hard rockers faisaient montre d'un cœur sensible et de larmoyants morceaux. Voilà, c'est un slow hard rock, comme on dit, hein. À l'époque, Aerosmith était passé maître de ça dans les années 90. Eh bien, c'était un extrait du dernier album d'un groupe qui lorgne un peu du côté d'AC/DC parfois. Et puis là, ça ressemble plus à de Aerosmith, effectivement. Goodbye June avec What I Need. Et puis juste avant, c'était une petite merveille d'Eric Terrino avec Jolly Holland qui venait faire un petit coucou puisqu'on en était dans les énervés qui ont rangé un petit peu les guitares électriques et qui se sont un peu calmés. Voici un morceau nouveau, tout chaud de Jack White. Jack White, vous savez, les raconteurs, les White Stripes. Voilà, moi j'ai jamais été extraordinairement fan de la voix de Jack White. J'ai un petit problème avec ça. Les White Stripes, ça m'a jamais vraiment fait décoller. Mais en tout cas, ce morceau est bien sympa. Et en tout cas, les raconteurs, ça, j'adore. C'est Love is Selfish. C'est tout nouveau. C'est dans The Rocks. 1, 2, 3, 4. Love is such a selfish thing. It's always crying, me, me, me. And it's always trying to mess up all my plans. And I work real hard to make you understand. And I try my best to help you understand. I've been trying over the years to try and overcome these fears, but nothing I come up with proves I can. And I work real hard to make you understand. Yeah, I'll try my best to help you understand. I'm on a train, but I cannot upon it. I'm on a train, but it won't stay on the rails. And I got a sailboat with her name painted on it, but I don't know how to sail. Someone smarter than me and you might end up solving a clue or two, but could they make it happen with their hands? Can they build it up from nothing with their hands? I could lose my mind just trying to understand. Love is such a selfish thing. It's always crying, me, me, me, and it's always trying to mess up all my plans. And I work real hard to make you understand. And I'll try my best to help you understand. C'était Jack White à l'instant dans The Rocks avec ce très très beau morceau. Je vais vous laisser avec Rémi, la rédac du sport. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans The Rocks de 19h à 20h30. Et j'espère que l'émission vous a plu. Vous pourrez la retrouver dans quelques heures, quelques jours sur ontherocks.net et en rediffusion sur ZEF à Blois. On se quitte avec quelqu'un qui est une fidèle de l'émission. C'est Rivka avec une petite reprise. Voilà, l'abeille tend l'oreille et les autres aussi. Assez surprenante cette petite reprise qui date d'il y a quelques années. Moi, elle me plaît bien. Alors évidemment, c'est pas l'original, on est d'accord, mais c'est autre chose. Je vous laisse avec Rémi, la rédac du sport, qui a sûrement beaucoup beaucoup de choses à vous dire. Ciao, à la semaine prochaine. Ah, ça ne part pas du tout au start. Alors pourquoi je... Ah bah, je suis pas sur le bon endroit. C'est tout à fait normal. Je recommence. La la la, la la la. la la. La la la. Ta la la. La la la. Mercedes-Benz.